C'est comme un dessin d'enfant, ce filet d'argent lorsque je ferme les yeux. C'est avril qui éclate en mai te rencontrer et dans l'herbe roulée. Où sont tous les amis, ceux des jours et des nuits, à jouer, à s'aimer? Ils étaient dans mes mains, maintenant j'ai deux points, j'aime avril et mai. Oh, la plus belle des saisons, après le froid c'est si bon, le ciel est tout dégagé. Amis en haut de ce champ, je t'emmène au couchant, respirer, marcher. Où est celle que j'ai vue, aussi que j'ai perdue, moi qui pense en donner? Elle était prisonnière et mes mains j'ai ouvert. J'aime avril et mai. C'est une plante dans mon ventre qui pousse droite et lente dans le fil des années. Devant moi je le vois, mais ne le comprends pas, le mystère est caché. Mais l'enfant qui jouait à Colin au furet dans son lit s'est couché. Mais quand il ouvre les yeux, c'est un homme, il est mieux. J'aime avril et mai. C'est comme un dessin d'enfant, ce filet d'argent lorsque je ferme les yeux. C'est avril qui éclate en mai te rencontrer et dans l'herbe rouge.